Le 13 février, en Malaisie, un citoyen de notre République porteur du passeport diplomatique est tombé soudain dans le coma avant son embarquement dans un avion. En route vers l'hôpital, il est mort. Au début, le côté du ministère malaisien des Affaires étrangères et de l'hôpital ont communiqué à l'ambassade coréenne dans leur pays, qui exerce le droit de protection consulaire des citoyens de notre République, que c'est la mort causée par la paralysie cardiaque et qu'ils ont décidé de transmettre le corps mortel à notre ambassade pour l'incinérer. Et notre ambassade a identifié le décédé avant de demander de le transférer. Or, ce soir-là, la presse conservatrice sud-coréenne a prétendu que, selon une source gouvernementale, c'était un empoisonnement. Immédiatement, la police malaisienne secrète s'y est mêlée pour le considérer aveuglément comme un fait établi et a proposé l'autopsie du cadavre tout en rendant compliqué le problème. L'ambassade coréenne a déclaré nettement qu'elle ne peut jamais accepter l'autopsie car on a déjà conclu que c'est la mort causée par le choc cardiaque et de plus, le décédé porte le passeport diplomatique et jouit donc du privilège de l'extraterritorialité selon la Convention de Vienne. Mais le côté malaisien, malgré notre demande juste et le droit international et sans aucun accord avec nous ni la présence de notre part, a effectué de force l'autopsie du corps mortel et loin de publier le résultat de l'autopsie, a déclaré d'effectuer la seconde autopsie. Dans sa communication datée du 22, le porte-parole du Comité coréen des juristes l'a accusé d'atteinte ouverte à la souveraineté de notre République, de violation brutale des droits de l'homme et d'actes inhumains contrevenant à la morale. Le pire, c'est que les comportements injustes du côté malaisien coïncident avec la campagne démagogique des autorités sud-coréennes contre notre République. Même avant la publication du résultat de l'autopsie du cadavre, les presses conservatrices sud-coréennes se sont mises à semer opiniâtrement des bruits selon lesquels c'est un empoisonnement par deux femmes agents de la Direction générale de reconnaissance nord-coréenne et que c'est en évidence un fait de la Corée du Nord. Le 14, le lendemain de la mort de notre citoyen, la Maison Bleue a fait du tapage et le 16, une session ministérielle a eu lieu. La réaction des autorités sud-coréennes s'est révélée intense. À la fin, on a même soulevé ouvertement le problème de disposition de SAD qui n'a aucun rapport avec la mort de notre citoyen. Les faits montrent clairement que les autorités sud-coréennes ont prévu d'avance cette affaire et tramé le scénario. Il est vraiment regrettable que seule la Malaisie tourne le dos à ce fait. Tant que notre citoyen est décédé en Malaisie, le gouvernement malaisien en est le plus grand responsable. L'attitude hostile de la part de Malaisie est traduite plus nettement au problème de transfert de la dépouille. Si elle a livré l'autopsie et l'examen médical judiciaire de façon illégale et immorale, elle devrait comme de juste nous remettre la dépouille du défunt, mais elle le refuse absurdement en prétextant de lui présenter auparavant l'échantillon d'ADN de la part de la famille de la victime. Cela montre que la Malaisie cherche à réaliser un objectif malhonnête en politisant le problème de transfert du corps mortel sans égard au droit international et à la morale humaine. Ensuite, elle avait au début de l'enquête parlé bruyamment d'avoir arrêté les suspects criminels, mais elle n'en parle plus maintenant. Ce qui est plus ridicule, c'est qu'elle prétend que les suspects ont avoué que la victime a été empoisonnée parce qu'elles lui ont mis sur sa tête du liquide graisseux destiné à la paume de main. Si cela est vrai, comment celle qui a mis du poison sur la tête n'a point été victime, puisque sa main en a été appliquée? Nous avons proposé déjà l'enquête commune pour l'éclaircissement exact de la présente affaire et précisé d'envoyer notre délégation des juristes. Le but est d'expédier nos juristes sur place pour rencontrer les suspects, pour écouter leurs aveux, vérifier qui leur a donné l'ordre, voir notre citoyen arrêté et examiner en détail le lieu de l'incident et les données d'images animées afin de livrer l'enquête équitable. Jamais nous ne tolérerons toute tentative destinée à ternir l'image de la prestigieuse puissance d'indépendance et nucléaire et nous finirons par mettre au clair cette affaire jusqu'à la fin. Nous observerons l'attitude prochaine de la Malaisie.